Moi, là, j'ai vécu ça, le gars m'a demandé qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là. Puis là, par après, j'ai pensé à ça, j'ai dit, moi, je l'ai capté d'une certaine façon. J'ai pas, si peut-être cette personne-là avait été là, elle aurait capté ça d'une autre façon. C'est peut-être pas tellement bien d'essayer de commenter qu'est-ce que vous dites. Bon, c'est pas correct, ça, entre nous autres. Vous ne devriez pas commander ce que je dis, vous devriez parler de vous-même. Parler de vous-même. Ben, oui, c'est ça, je veux dire, on dit que la façon qu'on a compris ça. Non, mais, Quand vous d'où ça racontez, vous vient parlez. Vous parlez de vous-même. Plus vous parlez de vous-même, plus vous développez à partir de vous-même. C'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce que vous pouvez vous-même parler. Si vous redites ce que je dis, vous ne direz jamais comme je le dis. C'est une autre vibration. Fait qu'automatiquement, ça va être mal interprété. Moi, si je m'assieds avec Michel, puis on parle, on peut parler, on parle, on parle. Je comprends absolument rien de ce que je dis, de ce qu'il dit. Ça rentre. C'est vibratoire. C'est pas psychologique. Il peut me parler de n'importe quoi. C'est vibratoire. La vibration est correcte. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. D'un coup, eux autres, s'ils veulent ajouter quelque chose à ça, hop, il y a une autre vibration qui rentre, pas seulement. C'est jamais psychologique. Quand on se parle ensemble, on ne devra jamais rien comprendre. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, c'est parce que vous comprenez rien. Ça, c'est drôle, mais. Comprenez-vous ça? C'est de l'intelligence. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, vous comprenez absolument rien. C'est ça que je dis tout le temps, c'est pas les mots, c'est les vibrations. Si vous comprenez quelque chose, c'est ça. C'est ça que tu comprends? Ça, des fois, je le sais, mais je peux pas te l'expliquer. Je peux pas t'expliquer, mais. C'est vibratoire. Parce que la vibration, ça pénètre, ça se fait sentir. Mais quand on essaie de l'interpréter, on embarque sur le côté intellect, c'est là qu'on s'embrouille. C'est ça. On essaie de tout rationaliser, puis là, on se met le doute en question, ben, c'est-tu vraiment ça, c'est-tu vraiment pas ça? C'est ça. Ce qui est dit vibratoirement, ça se répète pas. Ce qui est dit vibratoirement, pas besoin de répéter. Ça se répète pas. Si ça redit, c'est ça. Hier soir, j'ai écrit une cassette que M. Bessette m'a arrêté de m'en. Puis moi, je disais, tout ce que l'homme avait appris dans les livres, dans les cinéastes, tout va être attendu. Effectivement. C'est sûr. Effectivement. Très effectivement. Tout. Ouais. Tout ce qui a été mis dans les livres, vibratoirement, je ne t'explique pas. Mais ben, attends, ça ne peut pas être écrit si c'est vibratoire. Ce qui est reçu, qui est mis dans les livres, c'est reçu vibratoirement, puis c'est dans le sens dans les livres. Ça sera porté à l'intelligence. Il y a un type sur la fin qui veut m'expliquer des choses. Mais moi, je lui demande toujours où est-ce qu'il a pris. Je lui dis toujours, ben, il est lieu dans le lien universel, où j'ai lieu dans la cosmologie. Moi, je dis toujours, ben, je ne comprends pas. Si c'est des choses que tu as déjà sues, si c'est déjà su, je n'ai rien à savoir de ça. Et avec ça, ben, allez. Il dit que si on comprend quelque chose, on comprend rien. C'est pour ça que je comprends. Jamais. Il y a un séminaire en fin de semaine, la fille était toute démontée parce qu'elle comprenait rien. J'ai dit, papa, tu comprends tout. Ben, elle dit, je comprends rien. J'ai dit, c'est ça, tu comprends tout. Elle n'a pas compris ce que je lui ai dit. Elle était toute devinée parce qu'elle comprenait rien. Oui, il comprend, je suis sûr. Je comprends que je suis arrivé à comprendre parce que je suis sourd. Mais ouais. T'as eu un break, toi. Tout le monde se prête, tout le monde dit, je veux tout comprendre la première partie, je veux tout comprendre. Mais moi, je comprenais jamais rien. C'est moi, là, tu Il y en a-tu qui comprennent? Qui c'est qui commence à comprendre ça? Qui c'est qui commence à comprendre ça? Qui a rien à comprendre? Moi. Tu comprends ça? On se dit, moi, je me dis, on doit l'être, ou on doit être quand ça va être le temps. Mm-hmm. Parce comment tu concentres pour ça? C'est quand tu penses, tu as la pensée de comprendre quelque chose que tu le rationalises. Ouais, automatiquement. Mm. C'est pareil comme le seul possible. Là, tu t'embourges. Oui. Là, tu rentres dans le doute, pis c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, je peux. Ah, ben non, mais je commence à être bien, le combien dans ma peau. J'ai hâte d'être bien dans ma peau, mais là, je suis bien. Ah, c'est un début. C'est un début, ça. Parce que je suis encore. Ah, c'est ça. Comme la dernière conférence, Bernard, tu as parlé des frustrations. J'ai tout compris. Parce que, ben, je veux dire, j'ai compris. Je comprenais ce que tu disais, là. Mais il y a une personne qui m'a demandé, oui, mais il a dit quoi? Je sais pas. Je suis pas capable de dire rien. Mais le temps que tu l'as dit, je sais que l'absorber. Demande-moi pas pour le répéter, je sais pas. Moi, tu me donnerais 1 000 $, je n'ai pas fait dire 2 mots là-dessus. Mais bien là encore, tu demandes une question à Bernard, il y a quelque chose qui te tracasse, tu lui demandes et il te l'explique. Là, comme il faut, je t'en vais, tu t'en avais plus. 2 minutes après, tu sais. Mais qu'est-ce que tu m'as dit à répondre au plus? C'est vrai? Moi, c'est toujours, disons, quand je vais aller à une conférence ou pas des choses comme ça, au bout de 15 jours, d'une semaine, il me vient courir. C'est impossible que je l'aie remarqué. T'as l'impression que t'en rappelles tout d'un coup. Tu dis, oh, c'est vrai. Mais si tu le cherches, tu le trouves pas. Pourquoi tu le cherches? Ça devient instantané. C'est impossible qu'on le cherche, parce que c'est une chose qu'on comprend. Non, mais je dis, quand tu essaies de comprendre, de voir, là, tu cherches, rien. Ça t'arrive. OK, je vais commencer, c'est un autre point. Quoi? Par rapport au mot qu'on rentre, moi j'ai souvent l'impression qu'on l'envoie la place de quand tu demandes à quelqu'un, sais-tu ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien différent que de lui demander s'il comprend ce qu'on veut dire. Parce que comprendre ce qu'on veut dire, ça a rapport avec l'intellect. Mais saisir ou savoir ce que tu veux dire, je trouve que c'est plus d'avoir. C'est fait partie de quoi? C'est une gêne. Je trouve que des fois, on envoie le mot comprendre, il y a une certaine nuance là-dedans. Oui, mais éventuellement, on s'ajuste. Même aux mots, même si les mots ne sont pas précis, on sait ce que ça veut dire. C'est sûr. Oui, parce que moi, les vibrations, c'est d'un, puis le mot, c'est deux. Oui, exactement. C'est toute ma vibration. Des fois, je parle toute croche, en tout cas, les mots qui ne sont pas corrects, puis ça passe pareil. Là, il y a une cassette, mais tu t'accroches sur quelque chose. C'est vraiment vrai. Tu parles là que la planète est englobée d'un champ d'énergie. C'est genre perpétuel. Là, il faut que tu sois conscientisé avant que ça se passe. C'est indépendant de la gravité. C'est indépendant de la gravité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Papa, t'as capté pas de ce matériel-là. Ça, tu peux avoir de ça. Il dit la seule chose pour nous autres qui est importante, c'est le matériel qui nous permet d'avancer dans la vibration de l'âme dans l'ego. Tout le reste, c'est pas important parce que ça nous aide, ça développe notre intellect. Ça nous rend philosophique. Ils veulent pas qu'on soit philosophique. La vie dans la maison, c'est. Puis tout ce qu'il a fait, il l'a fait par goût indemne. Tout par sa sensibilité intérieure. Autrement dit, par vibration. Apparemment, il dit qu'on est très intelligent, mais on se bloque. On est très intelligent, mais on se bloque. Ah, OK. Là, le point qu'ils veulent faire, il dit que c'est par nos erreurs qu'on apprend. Ça, c'est le deuxième volet de la soirée.

quand tu réalises ça. Puis faut pas que ton égo embatte dans ce que tu dis. Ça passe la vibration, ça passe pas. Si tu fasses la note automatiquement, le matériel n'est pas ajusté, puis là, tu vas avoir un autre égo qui va te mettre un bloc. Tu vas dire, ah oui, mais... C'est subtil de parler. C'est un art de parler. C'est parler. Tout bon. Si on laissait donc les enfants se parler dessus, ils continueraient toujours à se parler, puis ils auraient toujours la réponse. Les enfants n'ont pas de problème, puis nous autres. C'est ça. À se parler. Comment ça coûte une sheet de plywood comme ça? 18 piastres. Mmh. C'est rendu cher. C'est quoi, du soir le pouce? Ça, c'est du 5-8. C'est du 5-8, mais il est beau, il est fini. Mmh. Tu peux l'avoir moins cher, moins fini. Moi, j'ai pris ça là parce que je vais peut-être mettre un tapis dessus. Comme ça, il est beau. Je vais t'entendre là-dessus, c'est bien. Ah, les bûches sont faites. Ça aussi, c'est bon. Monsieur de Maintenant. Quoi? J'ai passé par un moulin assis. J'ai eu bien manchard. J'ai passé par un clou de bois. Ouais. Par un clou de bois, ça m'avait coûté. Déposer la hache dans la cave. Vous êtes obligé, vous!